Bonjour, alors je vais commencer le petit tirage concernant les béliers. Donc on va voir ce que va proposer le mois de mars 2022 aux béliers. Alors, que dit le béline? Bon, entre la paix et le retard, je vous montre les deux cartes, la coupe, paix-retard. Eh bien, il apparaît que les béliers vont devoir être patients au mois de mars, ce qui ne leur convient absolument pas, puisque c'est un peu contre nature pour un bélier d'être patient. Mais c'est quand même apparemment le conseil du béline pour le mois de mars. Alors, quel est l'événement? Quelles sont les influences? Peut-être l'événement le plus important de mars, ou en tout cas, quelles sont les influences pour mes amis béliers au mois de mars? Alors, 2022, bien sûr. Ouh! Que se passe-t-il? Bon, ben voilà pourquoi vous allez devoir être patient. C'est vrai que, apparemment, vous avez pas mal de choses en cours. Et ben c'est bien parce que vous avez le moral, vous y croyez. Mais en même temps, apparemment, certains projets vont tomber à l'eau. Et c'est vrai que cela peut vous rendre vraiment nerveux. Vous allez avoir envie de peut-être, et ça c'est bien entre ces deux cartes-ci, on voit que vous allez avoir envie par vous-même de vaincre les obstacles. Mais le problème, c'est que il y a vraiment des choses bloquées, des empêchements. Et donc la chose sans doute la plus importante ce mois-ci, ce sera de ne pas être buté, de vous montrer patient, afin de ne pas vous faire trop mal. Parce qu'après, de toute façon, les choses vont se décanter. La carte bleue annonce normalement que tous les espoirs sont permis. Voilà, amis béliers, pour le mois de mars.